بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، que toutes les louanges soient à Allah et que les bénédictions d'Allah et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah. Et toutes les choses inventées dans la religion d'Allah sont des innovations. Et toute innovation sont des déviances, et toute déviance mène au feu de l'enfer. Nous avons commencé la semaine dernière le jugement de celui qui délaisse la prière. Et on avait vu que juste en lisant le Coran, c'était amplement suffisant si on voulait savoir quel est le statut de celui qui délaisse la prière. Et on avait vu des versets, mais j'avais oublié de mentionner d'autres versets aussi. Lorsque d'une part Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le dernier verset de sourate Al-Hijr, qui est la sourate 15, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te touche, jusqu'à ce que tu meurs. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu meurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, on répète souvent ce verset là dans sourate Al-Bayyinah, mais aussi dans tout le Coran, vous trouverez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le musulman qu'il accomplisse la prière. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Et ils n'ont été ordonnés que de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincères dans leur adoration, qu'ils la font que pour Allah, et qu'ils font la prière et qu'ils donnent la zakat, et ça c'est la religion en vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, nous verrons dans les hadiths en ce qui concerne la salat, ma bayna al-abd wa al-kufr wa al-shirk tark as-salat. Ce qui diffère entre le serviteur d'Allah et le polythéiste et celui qui mécroit en Allah, eh bien qu'est-ce qui va faire, eh bien c'est le délaissement de la prière. Celui qui délaisse la prière n'aura plus de différence avec celui qui associe à Allah quelque chose ou celui qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit al-ahd li baynana as-salat man tarakaha faqad kafar. Le pacte qui est entre nous, c'est la prière. Celui qui l'a délaissé est devenu un mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au shaytan, à Satan, à Iblis, donc ça c'est dans sourate Al-A'raf, le verset 12, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Allah subhanahu wa ta'ala parle à Iblis, au shaytan, lorsqu'il a ordonné aux anges, et parce que Iblis, il faisait partie, comme on avait dit, il est créé de feu, il faisait partie des djinns. Et il a été rapproché au cercle des anges dû à son adoration, comment qu'elle était envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a ordonné aux anges, ainsi qu'à Iblis qui était dans leur cercle, de se prosterner, une prosternation pas d'adoration comme on disait, mais c'est une prosternation de salut, en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, tous les anges se sont prosternés excepté Iblis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qui t'a empêché, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Et il a dit, eh bien tu m'as créé de feu et lui, je ne vais pas me prosterner pour quelque chose que tu as créé d'argile, alors que moi je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu. Donc c'est l'arrogance qui l'a empêché, le kibr en fait, qui l'a fait sortir du paradis. Et c'est le kibr qui empêche une personne de se soumettre à Allah. Et c'est la question qu'on avait dit qu'on pose à tous ceux qui refusent de prier 5 fois par jour. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner à Allah quand Allah te l'a ordonné? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Mursalat, à la fin de Sourate Al-Mursalat, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Et lorsqu'il leur est ordonné de se prosterner, de s'incliner, de faire le recours avec ceux qui s'inclinent, ils refusent, ils ne vont pas s'incliner. Et donc ils auront un dur châtiment pour ceux qui démentent en fait. Ceux qui refusent en fait. Parce que si une personne croit vraiment, comme on avait dit, si la personne elle s'est soumise, la croyance va lui entrer dans son cœur. Elle s'est soumise à Allah, la foi va lui entrer dans son cœur. Mais si elle dit juste je crois, alors qu'elle refuse de se soumettre, eh bien, elle tombe dans le jeu de l'hypocrisie. Qu'on avait dit que l'hypocrite, al-munafiq yukhalif qawluhu fi'lihi. C'est que l'hypocrite, en fait, ce qu'il dit, oppose ce qu'il fait. Il dit qu'il croit et qu'il aime Allah et qu'il aime Allah dans l'état. Et dans ses actions, il refuse de se soumettre aux ordres d'Allah. Donc, ce qu'il dit oppose ce qu'il fait. Et il tombe dans cette branche d'hypocrisie qui est dans les actions. Mais pour une personne qui ne prie pas, c'est un autre jugement. Voilà. Qawl bila fi'l. Non, le truc, c'est quoi? C'est qu'une personne... Là, dans le jugement de la prière, ça c'est encore autre chose. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui a délaissé la prière, il est devenu mécréant. Mais on parle, par exemple, qu'est-ce qui pousse à une personne qui risque de tomber dans l'hypocrisie, dans les actions qui n'excluent pas de l'islam, c'est le fait qu'elle dit des choses, mais qu'elle n'accomplit pas. Ok? Oui, mais les polythéistes, les Quraysh, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyait en Allah. Donc, ils croyaient que le seul créateur c'est Allah, ils croyaient. Ils étaient convaincus que les statues qu'ils adoraient ne leur bénéficiaient en rien. Mais ils savaient qu'ils étaient convaincus que s'ils adoraient leur statue avec Allah, ils pourraient se rapprocher d'Allah. مَنْ عَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَى. Nous ne les adorons que pour nous rapprocher d'Allah. Donc si la personne dit qu'elle aime Allah, mais que refuse de se soumettre à Allah et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous lui apportons le verset du test, ayat al-imtihan. Okay? Comme les ulama l'ont appelé, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Si vous dites, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera alors. Suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah vous aimera alors. Et parmi les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le pacte qui est entre nous, c'est la prière. Donc ne délaissez pas la prière. Parce que celui qui la délaisse, eh bien, est devenu un mécréant. Donc si une personne dit qu'elle aime Allah et qu'elle aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça doit se refléter dans ses actions. Comme on a dit, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. On ne peut pas se mettre à juger le cœur des gens. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est en apparence t'indique ce qui est dans le cœur. Ok? C'est-à-dire que si tu vois une personne qui aime Allah et qui aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle fera son possible pour accomplir la prière et rejoindre le groupe de musulmans. Tu vas faire rien. Mais une personne qui dit qu'elle aime Allah, ça c'est un fait. On ne sait pas ce qui est dans le cœur. Elle dit qu'elle l'aime, bon, peut-être qu'elle a raison. Mais on se rend compte qu'en fait, qu'elle ne prie pas et qu'elle fait, qu'elle y avait en boîte de nuit, elle fait je ne sais pas quoi et puis elle fait... Et puis elle parle mauvaisement et tout ça et tout ça. Et elle dit, elle aime Allah, subhanallah. Tu vois? Yani, la personne, elle s'expose elle-même. Tu vois? C'est-à-dire, si elle se fait des actions comme ça, elle s'expose elle-même. Oui, voilà. Sauf, il y a des, il y a des parmi, parmi les parmi des non-musulmans, il y en a. Ils sont, subhanallah, ils sont honnêtes. Mais, il y en a qui sont honnêtes. Ils mentent pas, ils volent pas. Tu vois ce que je veux dire? Yani même dès que je parlais avec un frère, yani dès que tu vois par exemple la situation en certains pays musulmans, parce que dès que tu viens pour faire quelque chose, il y a de la corruption, je sais pas quoi, les gens ils mangent, je sais pas quoi. Bon, mais voilà, ça reste des musulmans, ok? Mais le truc, c'est que mais c'est des musulmans qui agissent mauvaisement. Et ça va jamais remettre en question l'islam. Mais c'est eux qui devraient se remettre en question. Mais tu vas trouver des non-musulmans, est-ce qu'ils sont honnêtes? Et ils mentent pas, ils volent pas. Tu vois? Et ils sont droits avec toi. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tout ça, même s'il est honnête, s'il ne vole pas, je parlais avec un frère il y a 5 ans de ça. Il faisait des études de droit. En fait, on était dans. Donc on avait terminé les études. Lui, il allait sur Paris et tout ça, et moi, j'allais partir en école. Et on parlait sur la prière. Il priait pas. Et il disait, moi, je vole pas, je mens pas, je suis droit avec les gens et tout ça. Je lui dis, oui, ça, c'est bien. Ça, c'est des attributs du musulman. Hein? Voilà, ça, c'est les sifat n'ta'a al-muslim. Le fait qu'il ment pas et qu'il est juste, qu'il est honnête, qu'il traite les gens correctement. Ça, c'est les attributs du musulman. Parce que c'est ça l'islam. L'islam est là pour, yani subhanallah, corriger la relation entre les gens aussi. Parce que si ta relation avec Allah elle est correcte, ça va naturellement corriger ta relation avec les gens. Tu vois le bienfait de l'islam? C'est pour ça que l'islam c'est une miséricorde. Mais si tu refuses de te soumettre à celui qui t'a créé, c'est ça. Je te pose une question, je disais, je te pose une question très simple. On a ici quelqu'un qui se dit musulman. Il refuse de prier. Il refuse de prier. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche. Subhanallah. Et il y a un non-musulman, qu'il soit juif ou chrétien, quoi que ce soit. La question qu'on pose, c'est qu'est-ce qui te diffère entre toi et lui? Lui, il va dire, moi je crois en Allah. Lui, il va dire, moi je crois en Allah. Ils croient tous en Dieu. Ah oui, c'est ce que les kofars, hein, les mouchrikines, t'as Quraysh, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Voilà. Et ils étaient contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui te diffère en fait de lui? Si un ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les kuffars ils refusent de s'y soumettre. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de suivre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne-là qui ne prie pas, qui se dit musulmane, elle refuse de se soumettre aux ordres d'Allah. Donc, qu'est-ce qui te diffère? Le prophète a dit que ce qui diffère entre toi et eux, c'est quoi? C'est la prière. Donc, et on avait vu aussi que en fait, la position des quatre imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. Et on avait vu quelle a été leur position. Donc, l'imam Abu Hanifa avait dit que celui qui ne prie pas doit être emprisonné. Et ça, c'était pas sa première parole. Au tout début, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Au tout début, ils avaient la position que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i ont dit. On ne dit pas que c'est un kafir, on ne dit pas que c'est un mécréant, mais c'est un fasiq. C'est-à-dire c'est un pervers. Okay? C'est un pervers. Mais il reste quand même dans la sphère de l'islam. Ça, c'était leur position au début. Et l'imam Ahmed avait comme position dès le début, et il ne l'a pas changé à par la suite, il a dit que celui qui ne prie pas, c'est un kafir, dû aux preuves authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le pacte qui est entre nous, c'est la prière, celui qui l'a délaissé. Ensuite, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa et l'imam Shafi'i ont changé leur position. Ils ont dit que, donc l'imam Abu Hanifa a dit que celui qui ne prie pas doit être emprisonné. Et ils le libéreront jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il se mette à prier. Il n'a pas le droit d'être libre comme ça. C'est pas comme aujourd'hui. Il prie, voilà, il prie pas, c'est pas grave. Il marche comme ça, tranquille, il est libre. Non, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ça c'est le minimum, hein. Il doit être emprisonné. Emprisonné jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il prie. Et l'imam Malik, et l'imam Shafi'i, rahimahumullah, ont dit qu'il est emprisonné, et s'il refuse de se repentir, eh bien le juge devra décider qu'il se fasse exécuter. Pourquoi? Parce qu'il refuse. Et si, malgré qu'il a refusé de prier, et s'il se fait exécuter alors qu'il a refusé de se repentir, eh bien il meurt en tant qu'apostat, murtad. Ça veut dire que il a apostasié de l'islam. Ça c'est pire ça encore. Et l'imam Ahmed a gardé la même position. Donc, il est gardé en fait, c'est ça en fait la position en général des ulama, c'est qu'il est dans une, je parle dans un pays où c'est un, qui juge avec la charia, la législation, c'est qu'il est emprisonné cette personne-là, il lui donne 3 jours pour se repentir. Il lui ramène toutes les preuves et il parle avec lui. Si au bout de 3 jours il refuse donc de prier, ils ont dit que, donc si, c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, s'il choisit la mort à la prière, eh bien, si le juge décide donc qu'il l'exécute, eh bien donc ça veut dire qu'il meurt en tant qu'apostat. Parce qu'il a préféré de mourir que de prier pour Allah, que de se soumettre à Allah. Okay? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, في سورة المدثر إلا أصحاب اليمين excepté les gens de la droiture في جنات يتساءلون qui seront au paradis en se demandant على المجرمين sur les criminels ما سلككم في سقر qu'est-ce qui vous a mené à Saqar. Saqar c'est un lieu en enfer en fait, c'est un lieu très bas en enfer. Les musulmans qui rentreront en enfer que, si par la permission d'Allah, ceux que Allah il veut les châtier par sa justice parce qu'ils ont fait des péchés majeurs que Allah veut les châtier par cela, eh bien ils resteront pendant une période déterminée en enfer, que seul Allah sait, et ensuite ils pourront rentrer au paradis. Okay? Parce qu'ils sont morts sur l'islam et ils n'associent rien à Allah. Mais ils ne seront pas mis dans les niveaux très bas de l'enfer. Ils seront mis dans les niveaux supérieurs de l'enfer, parce qu'il y a différents niveaux en enfer. Qu'est-ce qui vous a mené à Saqar? Ils se diront, les gens du paradis, en parlant aux gens de l'enfer, aux criminels qui sont des gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a mené à ce lieu-là, à Saqar? Ils répondront, ma salakakum fi Saqar, qalu lam nakum min al musallin. Nous n'étions pas de ceux qui priaient. Qu'est-ce qui vous a mené dans ce lieu-là en enfer? Nous n'étions pas de ceux qui priaient. Voilà ce qui nous a mené à Saqar. Subhanallah. Comment une personne peut rester indifférente face à ces versets? Elle sait le jugement de celui. Yani, elle risque de se trouver dans ces lieux-là en enfer. L'enfer, c'est pas comme tu ouvres le gaz et puis tu te brûles un peu, ça n'a rien à voir. Subhanallah. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu. Ça fait partie du ilm al-ghayb. Okay? Ça fait partie de l'invisible. Que lorsque la personne, le paradis, comme le paradis, ce qu'il y a au paradis, les délices qu'il y a au paradis, c'est pas ce que tu trouves ici. Il y a des fruits qui sont mentionnés dans le Coran, mais même si les noms en eux-mêmes, ils sont comme les noms qu'on utilise ici, mais ils sont différents. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il y a au paradis, il n'y a aucun œil qui l'a vu, aucune oreille qui l'a entendu, tu vois. Yani, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Eh bien l'enfer, c'est pareil. C'est quelque chose d'inimaginable. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Amen. Et donc, on avait vu aussi avec ce verset-là. Donc nous en étions à ces points-là. Et nous avons dit qu'effectivement, on entend de nos jours qu'il y a certaines différences. Non, il ne faut pas le dire que c'est un kef. D'autres, ils vont dire non, c'est juste un fait, ça fait tout. Eh bien, comme en fait le travail qui est basé sur le travail des ulama, c'est lorsque il y a une différence d'opinion sur quelque chose, eh bien nous devons suivre ce qu'Allah nous a commandé de faire. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous différez sur quoi que ce soit, retournez-le à Allah et à son messager. On avait dit que Ibn Abbas, le compagnon du prophète, a dit retournez-le à Allah, ça veut dire retournez-le au livre d'Allah, et retournez-le au messager, ça veut dire à la sunna du prophète Mohammed. Ça veut dire on dit faire quelque chose, pas de problème. Le Coran et la sunna, ils sont là. Et on a même la compréhension des compagnons qui nous expliquent exactement comment ils l'ont reçu du prophète Mohammed. Donc si vous différez en quelque chose, retournez-le à Allah et à son messager, au livre d'Allah et à la sunna du prophète Mohammed. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire si vraiment vous voulez la vérité, vous êtes sincère, c'est ça que tu veux trouver la vérité, eh bien en retournant au livre d'Allah et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras la réponse si tu es sincère. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos, lorsqu'on va voir l'argumentation qu'ils ont pris, on va comprendre inshallah, à propos des mushrikines, des polythéistes. dans sourate At-Tawbah, qui est le chapitre 9. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُوا الزَّكَاةِ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, premièrement, s'ils se repentent du polythéisme qu'ils pratiquaient, c'est-à-dire que le fait qu'ils adorent autre qu'Allah ou quelque chose d'autre avec Allah. S'ils se repentent de ça, et qu'ils font la prière, et qu'ils donnent la zakat, ils deviennent alors vos frères en religion. Ils deviennent alors vos frères en religion. Et ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que la fraternité n'est que dans la religion. La fraternité n'est que dans la religion. Un musulman et un musulman, ce sont des frères. Vous comprenez ? Et ça, c'est la condition. Quelles sont les conditions ? Premièrement, qu'ils se repentent du shirk, du polythéisme. Deuxièmement, qu'ils font la prière. Troisièmement, qu'ils donnent la zakat. S'ils font ça, eh bien, s'ils accomplissent ces points-là, eh bien, ils se deviennent vos frères en religion. Pas avant. Ils ne sont pas vos frères s'ils ne font pas ça. Et l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, avait dit dans son livre, « As-salat wa hukum tarikuha », la prière et le jugement de celui qui la délaisse, a dit que ceux qui disent que si la personne se repent du shirk, ça veut dire que tout min shirk, elle arrête d'associer avec Allah quoi que ce soit dans son adoration. Mais ne prie pas, eh bien certains vont dire que, eh bien, c'est pas grave, elle reste quand même dans la sphère. L'essentiel c'est qu'elle s'est repentie du shirk. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, وَهَذَا خِلَفْ ظَهْرَ الْقُرْآنِ. Et ça, ça oppose ce qui est apparent dans le Coran. Ça oppose ce qui est apparent dans le Coran. Parce que les conditions, elles sont là. Elle se repent du polythéisme, elle pratique la prière et donne la zakat. Mais parce que si on parle de ce sujet-là, c'est que c'est un sujet très important. Entre la relation entre le mari et la femme, entre l'héritage, entre lorsqu'il meurt, entre le lavage mortuaire, et tout ça. C'est ce qu'on va voir en fait par la suite lorsqu'on va comprendre les différents points, inshallah. Lorsqu'on verra les différents points, inshallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite dit, dans Sourate Maryam, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Et leur succédèrent des générations qui ont délaissé la prière et suivirent leur passion. Ils se retrouveront à Ghayya. Ghayya, c'est un lieu aussi en enfer. Un lieu dans les bas-fonds de l'enfer aussi. Vous avez Saqar, vous avez Ghayya. Vous avez, il y a les différents noms de lieux en enfer qui sont. Leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se retrouveront dans ce lieu-là en enfer qui s'appelle Ghayya. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna shay'a. » Excepté ceux qui se repentent. Donc, déjà, premier point, ils ont délaissé la prière, suivi leur passion. Ils se retrouveront à Ghayya. Excepté qui ne va pas se retrouver là-bas ? Celui qui s'est repenti et qui a cru et qui a fait de bonnes actions, ceux-là rentreront au paradis et ils ne seront pas, il n'y aura pas d'injustice sur eux. Okay? Il y a un point très très important aussi sur ce qu'avait dit l'imam Ibn Qayyim à propos de ce verset-là. Il a dit quoi ? Il a dit فوجه الدلالة من الآية. Ce qui est apparent en tant que preuve de ce verset-là. أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce lieu qui est Ghayya en enfer un lieu pour ceux qui ont délaissé la prière et qui ont suivi leur passion. ولو كان معروسة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا. Mais si ceux-là qui ont délaissé la prière et suivirent leur passion, ils auraient été parmi, c'est-à-dire dans la sphère de l'islam, parmi les ceux qui font des péchés, tu vois, qui font des péchés parmi les musulmans, eh bien, ils auraient été dans des niveaux élevés en enfer, pas dans ces niveaux-là. Ok ? وَلَمْ يَكُنُ فِي هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ أَسْفَلَهَا فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَمْكَنَةَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ. Donc, s'ils auraient été parmi les musulmans, ils auraient été dans des lieux plus hauts en enfer, ils ne seraient pas parmi ce lieu-là qui est très bas en enfer. Et ce lieu-là qui est Ghayya, ce lieu-là qui est Raya n'est pas un lieu pour les gens de l'islam. Ok? N'est pas un lieu pour les gens de l'islam. C'est une personne, comme on avait dit. Parce qu'il y a des musulmans qu'on a dit, ils rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Sans jugement ni châtiment. 70 000. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Et, c'est-à-dire, bon, ça, ce sont ceux qui vont perfectionner leur adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne vont pas corrompre le pur monothéisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils rentrent الذين حققوا التوحيد. Ils rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Certains vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. D'autres, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va les juger. Okay? Et Allah, il peut pardonner à qui il veut. Et il châtie qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et donc, s'il pardonne, eh bien, il les fait rentrer au paradis. Il les juge et ensuite il les fait rentrer au paradis. Donc, s'il les pardonne, il les pardonne par sa miséricorde. Mais si ce sont quand même des musulmans, et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut les châtier par des péchés majeurs qu'ils ont faits, et qu'ils ne se sont pas repentis de ce péché majeur-là, parce qu'il y a des péchés majeurs que certains musulmans ont faits et qui sont morts comme ça, mais si Allah veut lui pardonner, هذا يموت ويكون تحت المشيء. Celui-là, il meurt et il est sous le souhait d'Allah. Si Allah veut le pardonner, il lui pardonne, s'il veut le châtier, il le châtie. Mais si... Pour certains qui ont commis, parmi les musulmans encore, hein, qui ont commis des péchés majeurs et qui sont morts comme ça sans repentance, eh bien si Allah veut les châtier, il les châtiera par sa justice et ils seront en enfer pendant une période de temps déterminée. Déterminée. Ok ? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas y rester éternellement. Et lorsqu'ils seront mis en enfer pour une période de temps déterminée, qu'Allah nous en préserve, amin, eh bien, ils ne seront pas dans les lieux qui, sont très bas en enfer. Ils seront dans parmi les lieux élevés. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'il disait que ces lieux-là, qui sont très bas en enfer, ça ne fait pas partie des gens de l'islam. Et ensuite, parce qu'il dit que ça, « min amkinet al-kuffar », ça fait partie des mécréants, ces lieux-là, qui restent très bas, parce qu'ils vont y rester éternellement. Et il dit un autre point qui est très important aussi, « min al-aya dalil akhir ». Dans ce verset, il y a une autre preuve. Wa huwa qawluhu ta'ala, et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Donc ils se retrouveront à Raya, au lieu qui est en enfer très bas, excepté ceux qui se sont repentis et qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَلَوْ كَانَ مُضِيعَ الصَّلَاةِ مُؤْمِنًا لم يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصيلا للحاصل. Si la personne qui a délaissé la prière aurait été une croyante, ok, eh bien, il n'y aura pas eu comme condition qu'elle se repente dans sa foi, ok. Ça veut dire qu'elle doit renouveler sa foi. Si elle est déjà croyante, on ne demande pas à un croyant de redevenir croyant, ok. Mais quelqu'un qui est un croyant qui a péché, on lui demande de se repentir de son péché. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant, on lui demande de se repentir et d'être croyant. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il a dit que, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit que, excepté ceux qui se sont repentis et qui ont cru. Donc s'il aurait été un croyant ou un musulman, comme ceux qui disent par exemple qu'ils sont musulmans parce qu'ils sont nés dans des familles arabes ou je ne sais pas quoi, ils font le ramadan et puis ils se limitent à ça par exemple. Eh bien, si ils auraient été parmi les musulmans, ils auraient été déjà des croyants, eh bien Allah ne leur aurait pas demandé de se repentir, de renouveler leur foi. Donc ça, c'était aussi un point important. Et aussi, les mechers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la fraternité en islam ne s'annule pas avec le péché majeur ou avec la perversité, avec le fait que... La fraternité en islam, elle ne s'annule pas avec ça. Ok ? On avait vu qu'Allah subhanahu wa dit « S'ils se repentent et qu'ils font la prière et donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. » La fraternité, elle ne s'annule pas avec des péchés majeurs qu'une personne peut faire. C'est pas parce que quelqu'un il a fait un péché majeur, par exemple quelqu'un qui est musulman, il prie 5 fois par jour, et à chaque fois il boit, ou il va en boîte de nuit ou quoi que ce soit, tu vois. Eh bien, on ne dit pas que c'est un mécréant. Okay? Mais c'est un fasiq, un pervers, pratiquant un péché majeur. Ok? Parce que c'est le péché qui le pervertit. Ok? Et si sa prière est faite correctement, normalement il va se délaisser de ça. Inna salatana al-fahsha wal-munkar. La prière te mènera à délaisser toutes les mauvaises choses et les perversités. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que la fraternité, elle n'est pas annulée par ça. Et elle n'est pas aussi annulée par le kufr duna kufr. C'est quoi le kufr duna kufr? C'est en fait, c'est une mécréance qui n'exclut pas de l'islam. Parce qu'il y a une mécréance qui exclut de l'islam, et il y a une mécréance qui n'exclut pas de l'islam. Ok? Et nous allons voir en fait les preuves. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَى إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ. Donc en fait, quiconque, là en fait le cas ici qui est mentionné dans le verset de Surat al-Baqarah, c'est pour quelqu'un qui a tué un musulman, qui a tué un musulman. Donc comment ici la personne doit se comporter? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dit que la personne qui est musulmane, qui a tué un musulman, ça fait partie des péchés majeurs. Mais ça ne l'exclut pas de l'islam. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا. Allah subhanahu wa ta'ala les a quand même appelés frères. Ok? Celui qui est musulman, qui a tué un autre musulman, par exemple, sans le faire exprès ou quoi que ça, ok? Ou même s'il l'a vraiment tué délibérément, il a fait un péché majeur, qui n'exclut pas de l'islam. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que ça reste des frères. Que ça n'a pas annulé la fraternité. Et si la fraternité n'est pas annulée, eh bien il reste un musulman. Ça n'exclut pas de l'islam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et celui qui tue délibérément un musulman, ok, sa récompense, eh bien il sera en enfer et Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sera sur lui et il aura un énorme châtiment pour celui qui fait. Donc il est sujet à un énorme châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera jeté en enfer, cette personne-là qui fait ça. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre bien, aussi dans le verset précédent, que ça reste un frère, que la fraternité n'est pas annulée. Donc ça, il a fait un péché majeur. Parce que ça, c'est du kufr. D'où la kufr, c'est ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, comme on avait vu, ça, c'est du kufr, d'où la kufr. Tuer un musulman, c'est du kufr. C'est de la mécréance. D'où la kufr, ça veut dire que ça n'exclut pas de l'islam. C'est de la mécréance qui n'exclut pas de l'islam. Dès qu'on dit de la mécréance qui n'exclut pas de l'islam, ça fait partie des péchés majeurs. Ok? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hujurat وَإِنْ تَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Si deux tribus, yani deux croyants, okay, se sont entretués, eh bien, réconciliés entre ces deux parties. Les deux partie de musulmans qui se sont entretués et qui se réconciliés entre eux. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqu Allah la'allakum turhamun. Parce que les croyants sont des frères. Vous m'avez bien suivi? Le fait que Allah nous donne la condition, premièrement, quelle est la condition pour que quelqu'un qui n'est pas musulman devienne notre frère en islam? Quelle est la condition? Qu'il se repente de son shirk, de son polythéisme. Qu'il se repente de sa mécréance, de son polythéisme. Ok? Et qu'il fasse فَإِنْ تَابُ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَأَتَوُ الزَّكَاةُ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. Donc s'il se repente de la mécréance, du polythéisme, et qu'il fasse la prière et donne la zakat, ils deviennent vos frères en religion. Ensuite, on a vu que la fraternité ne s'annule pas avec la mécréance qui n'exclut pas de l'islam. Parce que tuer un musulman, par exemple, c'est de la mécréance qui n'exclut pas de l'islam. Kufr duna kufr. Ok? Parce que si ça aurait été de la mécréance qui exclut de l'islam, eh bien, on aurait eu les preuves directement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran que les croyants sont des frères. Alors que les deux parties de musulmans s'entretuent. Donc il y a eu des morts, etc. Eh bien, il faut réconcilier entre eux ceux qui restent, tu vois. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre bien que ici, la fraternité n'est pas annulée. La fraternité n'est pas annulée par ce genre de choses. Parce qu'en fait, si, parce que pour la position en fait qui tiennent, que ceux qui disent que celui qui ne prie pas, c'est pas un kafir, mais c'est un fasiq. Ok. Ceux qui disent, qui tiennent cette position-là, que c'est un fasiq, c'est un pervers et non pas un mécréant, eh bien il n'y a pas de preuve ici, clair, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que celui qui a délaissé la prière a mécru. Il est devenu un mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre clairement que pour garder cette fraternité-là, il faut qu'il se repente, fasse la prière et donne la zakat. Et ça s'annule, cette fraternité-là, si ces conditions-là ne sont pas présentes. Même s'il se repent du shirk, même s'il se repent du polythéisme, même s'il se repent de sa mécréance, mais refuse de prier 5 fois par jour, eh bien, il n'a pas les conditions qu'il doit faire la prière et donner la zakat, donc il n'est pas encore un frère en islam. Il n'est pas encore un frère en islam. Et nous avons aussi vu la position des 4 imams sur ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Les croyants sont des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que insulter un musulman est du fisq, c'est de la perversité, et le tuer, c'est du kofr. Le tuer, c'est du kofr. C'est de la mécréance. Et c'est quoi le kofr ici? C'est de la mécréance duna kofr. Kofr duna kofr. C'est de la mécréance qui n'exclut pas de l'islam. Ok? Et ce hadith-là, il est rapporté par Bukhari Muslim dans le Sahih. On avait vu le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Ce qui donc va différer entre la personne qui pratique du shirk, la personne mécréante, qu'est-ce qui va différencier en fait entre le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le polythéiste ou le mécréant, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que la personne, eh bien, il n'y aura plus de différence entre vous? Eh bien, c'est le délaisser la prière. Il n'y aura plus de différence. T'as délaissé la prière, tu te dis musulman parce que tu jeûnes pendant le ramadan. Je te dis, qu'est-ce qui te diffère entre toi et lui? Si tu ne pries pas, si tu ne te soumets pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Les kuffars refusent de se soumettre à Allah et toi tu refuses de te soumettre à Allah. Qu'est-ce qui te diffère d'eux si tu ne pries pas? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est aussi dans le hadith, Abdallah bin Buraïda, an abihi qal, donc Abdallah ibn Buraïda, qui rapporte ça de son père, qui a dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière, celui qui l'a délaissé a mécru. Et donc c'est un hadith qui est aussi sahih. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que si délaisser la prière était juste de la perversité du fisq, ou était juste de la mécréance qui n'exclut pas de l'islam, kufr duna kufr, eh bien, la fraternité ne devrait pas être annulée. Ok? La fraternité en islam ne devrait pas être annulée. Je sais pas si c'est clair. La fraternité, elle n'est pas annulée normalement. S'il délaisse la prière, et nous on prie, il dit qu'il est musulman, et on dit qu'on est musulman. Donc, on devrait quand même être des frères. Mais Allah dit bien que les conditions de la fraternité, c'est « Fa'in tab wa aqamu salat wa atu zakat fa ikhwanakum fid din ». Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, s'ils se repentent et qu'ils font la prière et donnent la zakat, ils deviennent frères en religion. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Hujurat, « Innama al-mu'minuna ikhwa », les croyants sont des frères. Ok? Les croyants sont des frères. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « Innama al-mu'minuna wal-kafiruna ou bien wal-mushrikuna ikhwa. » Non, il n'a pas dit que les croyants et les non-croyants ou les mushrikuna sont des frères. Il a dit que les frères, c'est qui? Ce sont les croyants. Les croyants sont des frères. Ça. Ensuite, on avait vu aussi d'autres preuves. On va continuer parce qu'en fait, c'est un cours que j'avais donné en anglais en fait, dès que j'étais en fait en Écosse. Donc, parce qu'en même temps, j'essaie de retraduire en fait les trucs que j'avais écrits en fait en anglais. Donc, parmi les morceaux que j'ai pris en fait du livre de l'imam Al-Qayyim rahimahullah dans son livre qui est As-Salat wa Hukm Tarikuha, on avait vu, si je me souviens bien, que ce hadith-là, il est dans Sahihain, Bukhari et Muslim. Ok. من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك فقد عتموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nulle divinité ne mérite l'adoration en vérité excepté Allah et que je suis le prophète et messager d'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète et messager d'Allah, et qu'ils font la zakat, et qu'ils donnent la zakat. S'ils font ceci, ils auront fait que leur sang et leur bien devient haram pour moi de les toucher, seulement par le droit de l'islam, et leur jugement revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'imam Al-Qayyim rahimahullah dit فَوَجْهَ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنَ. Ici, dans ce hadith, il y a deux preuves importantes. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ إِلَّا أَنْ يُقِيمُ الصَّلَاةِ. Premièrement, c'est que, effectivement, s'ils ne prient pas, enfin, s'ils ne sont pas en train de prier, eh bien, ils ont été, yani, il a été ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de les combattre. Parce que c'est ça aussi qui va te différer des polythéistes. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant que je me souviens, il y a des narrations qui me mentionnaient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ne combattait pas des tribus s'il entendait l'adhan. Ok, yani, il envoyait, comme on peut dire entre guillemets, un éclaireur pour voir s'il y a de l'adhan, il y a de l'appel à la prière, il y a des gens qui prient. Parce que c'est interdit, c'était interdit. Yani, ici, ça, c'est dans ces conditions-là. C'est lorsque, mathalan, il y a de la da'wa qui a été envoyée. Et les gens ont refusé d'accepter l'islam. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont ordonnés donc de payer une jizya. C'est-à-dire, en fait, c'est une taxe qu'ils sont payés. Et ça, c'est une sorte d'humiliation. Parce que le mushrik ne sera pas meilleur qu'un musulman. Okay. Et donc, ce qu'il y a, c'est que s'il veut être protégé par les musulmans, il payera cette taxe-là. Mais s'il refuse aussi, donc il refuse la da'wa, il refuse la taxe, eh bien, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, donc, les combattaient. C'est pour ça qu'il envoyait un éclaireur. Donc, s'il y en avait parmi eux qui priaient, eh bien, donc, il ne les attaquait pas. Le deuxième point, c'est quoi? C'est accepté par le droit de l'islam. Il a dit quoi? Ensuite, il a dit « Wassalat min a'adhan haqqiha ». Et la prière est parmi les choses les plus importantes du droit de l'islam. Comment un musulman qui sait que toute la législation, okay, qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était parmi ses compagnons ou seul, que premièrement, d'être ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'était pratiquement que ça pendant les 13 premières années. Mais c'était aussi, ça continuait ensuite. Puis ensuite, c'était qu'est-ce qui est haram, halal, pour que les gens savent c'est quoi, le licite et l'illicite. Et la prière, as-salat, pour te montrer son importance et son degré, okay, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été élevé jusqu'au 7e ciel. Et c'est là où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné la prière. Comment une personne qui sait ça va délaisser ce pilier de l'islam? Famille. Va délaisser ce pilier de l'islam. Et ça, c'est une erreur aussi qu'on rencontre aussi, même parmi nous. Hein? C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui ne prie pas, moi je m'en souviens très bien, dès que j'étais en Tunisie, je parlais avec un frère. Okay? Parce que dès que tu fais de la da'wa à quelqu'un, tu ne commences pas par parler sur la prière. Okay? Ça ne sert à rien de parler sur la prière s'il ne sait rien sur le pur monothéisme à Allah. S'il ne sait rien que ce que tu dois faire, ça doit être que pour Allah. que l'adoration ne doit être que vouée qu'à Allah et qu'on doit mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. S'il n'a pas compris ça, ça ne sert à rien de parler sur la salat. Ça ne sert à rien de faire la dalle en disant, en commençant juste sur ça. C'est-à-dire que les gens n'ont pas entendu ça de toi, n'ont pas eu ce savoir-là, et toi tu vas commencer juste à parler sur la prière. Ça, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad radiallahu anhu au Yémen, lui a dit la première chose, il les a invités aux gens du livre. Tu vas rencontrer les gens du livre, la première chose que tu les invites, c'est qu'ils unifient un yuwahidullah wa la yushriku bihi shay'a, dans une narration. Qu'ils unifient Allah dans leur adoration et qu'ils n'y associent rien. S'ils t'ont obéi et s'ils ont accepté, ils l'ont compris, alors dis-leur que Allah a mis, légiféré qu'il y a 5 prières obligatoires. C'est pour ça qu'au début dans les cours, on avait commencé avec Tawhid et ensuite on va parler avec la Salat. Et je voulais pas inverser les choses. Et donc, comme une personne sait que la prière elle a été révélée, au 7e ciel, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour te montrer son importance. Comment une personne elle peut prendre ça à la légère? Et comme on avait vu aussi, ça c'était un point que l'imam Ahmed, rahimallah, si je me souviens bien, avait mentionné. Le muhim, ça c'était dans le livre de l'imam Ibn Qayyim, parce qu'il a repris en fait des différents. Il avait dit. فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. Tous ceux qui prennent à la légère l'islam, tous ceux qui prennent à la légère la prière, et qu'il prend vraiment à la légère, eh bien en fait il est en train de prendre à la légère l'islam. Ok. وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. Eh bien, leur portion qu'ils ont, la partie qu'ils ont, c'est-à-dire comme je disais la dernière fois, on a un gâteau là, ok, je coupe différentes parts. Je donne une part à un frère, je donne une part à un frère. Donc eux, ils ont une part du gâteau. Ils l'ont reçu, cette part-là. Mais si je ne te donne pas de part, tu n'en as pas. Tu n'as rien qui te lie avec ça. Tu n'as pas de part, ok. Eh bien, c'est ça la portion. Entre guillemets, ça c'est une image que je donne. C'est-à-dire que ta quantité, ta portion que tu as dans l'islam correspond à ta portion que tu as dans la prière. Une personne qui prend à la légère la prière, qui croit que juste elle est libre et puis elle marche et puis c'est pas grave, tout le monde fait comme ça, personne ne prie et dès qu'ils viennent vieux, et bien ils vont commencer à prier. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka 'an sabilillah. Et si tu suis la majorité des gens sur terre, si tu les suis ou tu veux faire comme eux, ils te dévieront du droit chemin. Tu vois? Parce que le chemin de droiture et de vérité, faut pas croire que la majorité le suive. Ok? La majorité, ils veulent suivre leur passion, ils veulent suivre ce qu'ils pensent que c'est, je sais pas quoi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. Il y aura toujours une minorité de ma communauté qui resteront sur la droiture. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta yati amrullah wa hum ala dhalik. Donc il y aura toujours une minorité de ma communauté qui resteront sur le droit chemin. Ceux qui ont dévié, ou ceux qui ont suivi leur passion, quoi que ce soit, ne pourront les influencer en rien. Et ils resteront comme ça jusqu'à que l'heure vienne. Et les ulama, ils ont expliqué, l'heure vienne, c'est avant qu'un peu l'heure vienne. Parce que l'heure, comme on avait dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que elle arrivera à la shirar al-khalq, sur les plus mauvais des gens. Okay. Et donc, comment une personne qui sait ça, c'est ce que je disais la dernière fois, on se rend compte que si tu poses la question, même les jeunes, ils ne connaissent pas l'islam, c'est quoi? Comment tu veux le transmettre? Si tu vas aller voir n'importe quel non-musulman, tu lui dis c'est quoi le message de l'islam, il ne saura pas quoi te répondre. Me dire à la burqa, le niqab, je sais pas quoi, une prier, les bombes, je sais pas quoi, subhanallah. Et ça, c'est dû à quoi? Mais ça, c'est dû à nous. Subhanallah. Il faut être réaliste. Tu comprends? Les gens, ils savent même pas que les mouchriquines, les polythéistes eux-mêmes, qui combattaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissaient le message de l'islam. Ils l'ont compris. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait à leur dire « Qulu la ilaha illallah tuflihu » Dites, nulle divinité ne mérite l'adoration en vérité, excepté Allah. Et que je suis le prophète et messager d'Allah. Eux, ils l'ont compris. Lorsque Abu Sufyan, qui de ce temps-là était encore un mushrik, un polythéiste, comme on avait dit, il est parti voir Héraclius. Ça, c'est dans les débuts de Sahih al-Bukhari, ce que vous lisez. Eh bien, Héraclius, l'empire romain, il lui a dit, qu'est-ce qui vous appelle? Quel est son message? Hein? C'était clair. Il lui a dit, il nous ordonne d'unifier Allah dans l'adoration. Et qu'on ne lui associe rien du tout et qu'on arrête de croire aux croyances de nos ancêtres. Pour eux, ils l'ont compris, ils l'ont reçu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas leur religion qu'ils pratiquent, subhanallah? Ou certains même ne la pratiquent même pas. Et vivent sur l'espoir. Vivent sur l'espoir que voilà, dès qu'ils vont mourir, ben voilà, d'accord, on voit nos trucs avec les musulmans. Non, merci. Ça, c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons. Ramène-moi un compagnon qui n'a pas prié. Tu dis que tu aimes le prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Pourquoi tu pries pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, même avant tout ça, Allah le Très-Haut, Dieu aux ses sept yeux, nous a ordonné de prier. Wa iqimu salat wa atu zakat. Faites la prière et donnez la zakat. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec l'anecdote en Tunisie, il ne priait pas. Il est en bonne santé, mashallah, il travaillait, tout ça, tu vois. Il réfléchissait pour se marier, tout ça, et ça. Subhanallah. Mais même, il y a écrit dans le mariage, la salat, eh bien, c'est ce qu'on verra, notamment, c'est que la prière, c'est ce qui va te permettre ou non de te marier avec une musulmane ou non. Si tu ne pries pas cinq fois par jour, et tu veux te marier avec une musulmane, il est interdit pour toi, parce qu'on verra pourquoi. Subhanallah. Mais les gens, parce qu'ils croient, parce qu'ils sont nés dans un pays musulman, ou bien parce qu'ils sont arabes, ou bien parce que c'est le mois du ramadan, donc ils font le ramadan. Comme on disait la dernière fois, il y en a même qui jeûnent même pas rien du tout, ils font rien. Et dès que c'est l'Aïd, ils veulent fêter l'Aïd. Subhanallah. Et donc je lui disais, voilà, sur la prière. Et un frère, il est venu, il a dit, ouais, mais attends, il y a une différence entre les ulama. Donc, il y en a, ils disent, voilà, non, c'est pas grave et tout. Yanni, lui, il entend ça. Lui, il entend ça. Tu crois qu'il va dire? Tu crois que ça va le faire réfléchir, oh là là? Il va dire, bon, bah, ok, bon. Je vais vivre sur l'espoir que c'est ok. Non, Yahri, les preuves, elles sont là. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Celui qui est sincère, celui qui aime vraiment Allah, qu'est-ce qu'il fait? T'es sincère, tu veux vraiment la vérité, tu veux savoir si t'es un musulman. Eh bien, tu retournes au livre d'Allah et à la sunna. C'est pas ce que disent les gens. Laisse-les parler, les gens. Retourne à ce que Allah dit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et comment l'ont compris les compagnons? Ok? Eh bien, tu trouveras que Allah subhanahu wa ta'ala a clairement ordonné la prière. Premièrement. Il a mentionné que ceux, comme on avait dit, مَسَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Qu'est-ce qui vous a... Les gens du paradis, ils parleront aux gens de l'enfer. Qu'est-ce qui vous a mené en enfer? Nous n'étions pas de ceux qui priaient. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Et lorsqu'il leur est ordonné de se prosterner, de s'incliner, pardon, ils ne s'inclinent pas. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Qiyamah, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Lorsque la personne est morte, elle va se faire juger. Hein? Elle ne priait même pas. Comment la personne peut encore avoir, subhanallah, avoir le courage de dire qu'elle est musulmane si elle ne se prosterne pas pour celui qui l'a créée? Et qu'on disait, si tu dis aux gens que tu es musulman, c'est une responsabilité. C'est pas t'es musulman, voilà, tu fais partie d'une équipe de football, subhanallah. T'es musulman, c'est une responsabilité. Tu crois qu'il y a un paradis, tu crois qu'il y a un enfer? Comment une personne qui sait qu'il y a un paradis, qu'il y a des gens qui vont se faire châtier en enfer, et malgré ça, ça lui fait ni chaud ni froid qu'elle va refuser de se prosterner? Pourquoi? Ben non, mes copains, ils ne se trouvent pas, pour eux c'est normal, non, et tout. C'est pas ça. Dès que tu seras dans ta tombe, tu seras tout seul. Tu vas être questionné tout seul. Et comme c'est rapporté dans les hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. La première chose, hein, le jour de la résurrection, on ne parle pas dans la tombe encore, hein, après cette étape-là, C'est l'étape de Barzakh. Le Barzakh, c'est l'attente en fait qu'il y a après la mort jusqu'au jour du jugement. Eh bien, le jour du jugement, la première chose que la personne sera jugée, c'est quoi? Elle sera questionnée sur quoi? Sur la prière. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَإِنْ تَقُبِّلَتْ مِنْهُ سَلَاتُهُ تَقَبَّلَ مِنْهُ سَائِرَ عَمَلُهُ. Si sa prière est acceptée, le reste de ses actions seront, le seront. وَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ سَلَاتُهُ رَدَّ عَلَيْهِ سَائِرَ عَمَلُهُ. Et si sa prière est rejetée, le reste de ses actions le sera. Il faut souligner un point ici, c'est que c'est mentionné que si sa prière est rejetée, si sa prière est rejetée. Déjà, barakallahu fik, wa alaykum salam sallam. Déjà, cette personne-là, elle priait. Mais, par exemple, elle priait, mais quoi? Elle faisait à la vitesse de la lumière, soi-disant, à peine, tu sais, comme le djesh qui... La poule qui touche à peine le sol, tac, elle se relève et elle veut vite faire l'affaire ou quoi que ce soit. Barakallahu fik, c'est exactement ça. Les poules qui picorent. Eh bien, déjà, famille, elle va faire juste. Qu'en est-il à celui qui ne prie pas? Un autre point, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala demandera aux anges de faire sortir des gens de l'enfer et les faire rentrer au paradis, les anges vont dire, comment on va les reconnaître? Comment ils vont les reconnaître? Par la trace des ablutions qu'ils auront. Lorsque tu fais des ablutions pour les prières. Qu'en est-il de celui qui ne prie pas? Qui ne fait pas donc ses ablutions? Eh bien, ils ne le reconnaîtront pas. Et ils resteront donc avec les gens de l'enfer. Donc ça, c'est aussi une preuve que celui qui ne prie pas 5 fois par jour et qui meurt comme cela, eh bien, il meurt en tant que mécréant. Parce que la preuve, elle est là. Et donc, ça, c'est aussi 2 points. Et on va terminer, Inch'Allah. Ça va être l'heure du Aïcha. Et on va continuer demain, Inch'Allah, après le Maghrib. Donc, on avait vu, d'une part, la parole des 4 imams. Quelle a été leur position? Personne d'entre eux n'a dit que ouais, celui qui prépare, c'est ok. Subhanallah. Le minimum, c'est Abu Hanifa radiallahu anhu qui a dit que il est emprisonné jusqu'à ce qu'il se repent et qu'il prie. L'imam Malik, rahimullah, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok, il se fait emprisonner et il lui donne en fait une période de temps. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimullah, il a dit que c'est une période de 3 jours, comme on avait dit. S'il refuse de prier après ces 3 jours-là et il préfère la mort que de prier, de se repentir et de prier, il meurt en tant qu'apostat. Lorsque ils l'exécuteront. Donc déjà, ça c'est la parole des 4 imams. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, clairement, le pacte qui est entre nous, c'est la prière. Celui qui l'a délaissé a mécru. Il est devenu mécréant. Ensuite, on avait vu que aussi les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on avait dit dans Sahih al-Bukhari Muslim, que j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration et que je suis le prophète et le messager d'Allah, qu'ils font la prière et qu'ils donnent la zakat, s'ils font tout cela, ils auront fait que leur sang et leur bien sont haram pour moi de les toucher seulement par le droit de l'islam. Illa bihaq al-islam wa hisabuhum ala Allah. Seulement par le droit de l'islam et leur jugement sera à Allah. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Tawbah, on avait dit, parce que juste je résume, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent du shirk, les polythéistes, lorsque tu lis les versets qui sont avant, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux polythéistes, à ceux qui adorent autre qu'Allah ou autre avec Allah. S'ils se repentent de ça et qu'ils font la prière et donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. C'est la condition. Les conditions, elles sont là. Se repentir, faire la prière et donner la zakat. Et Allah nous dit que إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى. Les croyants sont des frères. Donc, pour être frère, il faut que tu aies ces conditions-là. Et les frères, c'est qui? Eh bien, ce sont les croyants. Les croyants, ce sont qui? Ce sont les musulmans. Et c'est ce point-là que je voulais terminer. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a été poignardé, il priait. Ils allaient prier Salat al-Fajr. Et il y a un homme, c'était en fait son meurtrier, il s'est placé juste derrière lui. Juste derrière lui, c'est-à-dire il est là, il s'est placé juste derrière lui. Et il avait en fait un poignard avec lui caché. Et lorsque ils ont fait Takbir al-Ihram pour rentrer dans la salle, Allahu Akbar, ils ont, donc, ça y est, tu commences à regarder ton point de prosternation, il l'a poignardé. Il a poignardé Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Et il a tué quelques compagnons et ils ont réussi à le neutraliser après. et à l'éliminer. Alors qu'il était en train de saigner, ils l'ont tenu et puis il allait mourir. Subhanallah. Subhanallah. Yani, faut qu'on essaie de comprendre ça lorsqu'on voit la vie des compagnons. Ok? Lorsqu'on voit le comportement qu'ils ont eu. Ils se sont battus pour ça. Ils ont été martyrisés pour ça. Parce qu'ils ont choisi l'islam. Et ils ont fait tout pour protéger cette religion. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent et puis prennent ça à la légère. Voilà, ils lui donnent même pas d'importance. Voilà, ils se fichent royalement de se prosterner pour celui qui les a créés. Eh bien, alors qu'il était en train de mourir, hein, il a dit, laissez que ma tête, parce qu'il voulait lui ramener des choses pour mettre sur sa tête. Il a dit, non, laissez que ma tête touche le sol en espérant qu'Allah ait miséricorde sur moi. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il faisait partie, mal'ashar mubashirin al-jannah, qu'il faisait partie des 10 promus au paradis. Bon, il y en a d'autres aussi, tu vois. Mais il a dit, Omar fil jannah. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il était sur la montagne de Jabal Uhud, avec Othman ibn Affan, et Abu Bakr al-Siddiq, et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et la montagne de Uhud, elle a tremblé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, reste stable, sois ferme au Uhud. Tu as au-dessus de toi un prophète, un siddiq, pour Abu Bakr al-Siddiq, ça veut dire un véridique, et deux martyrs. Omar ibn Khattab radiallahu anhu et Othman ibn Affan. Subhanallah. Yani, ils ont entendu ça du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'ils allaient aller au paradis, qu'ils allaient certains mourir en martyrs. Et puis, il a ordonné à un compagnon de diriger la prière. Et il perdait sa conscience. Et lorsqu'ils ont fini la prière, ils sont venus le voir. Et les compagnons étaient présents. Il leur a dit, est-ce que vous avez prié? Ils ont dit oui. Et eux, ils étaient en train de lui dire, mais occupe-toi, Yanni, tu vois, tu as du sang et tout ça, Yanni. Il a dit, la prière, est-ce que vous avez prié? Ils ont dit oui. Alors qu'ils étaient présents, les compagnons avec lui. Il a dit, la hazza fil islam liman taraka salat. Pas de portion en islam pour celui qui a délaissé la prière. Il n'a rien d'islam, c'est pas un musulman. Pour celui qui a délaissé la prière. Et les ulama, ils ont dit que ça, c'est un ijma' des compagnons. C'est un consensus des compagnons. Pourquoi? Parce que les compagnons, ils étaient présents, et ils se sont tués, ils n'ont rien dit lorsqu'il a dit ça. Ils ont dit que, eh bien, ils ont accepté le fait qu'ils sont gardés silencieux. C'est comme dans la sunna, lorsqu'il y a un compagnon qui fait une chose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tait, ça fait partie de la sunna. Ça s'appelle sunna taqririya. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui a fait quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit dessus. Ça fait partie de la sunna. Puisque le prophète l'a consenti avec son silence. Parce que s'il l'aurait refusé, eh bien, il aurait réfuté cette personne-là. Ok ? Et donc, ça fait partie, donc on a vu dans le Coran, dans la sunna, la parole des quatre imams, et le ijma' entre les compagnons, que celui qui délaisse la prière, eh bien, a mécru. Demain, inshallah, donc après le mort, inshallah, eh bien, on verra les conséquences. Les conséquences en ce qui concerne, eh bien, la prière mortuaire, l'héritage, et tout ça, le mariage, et tout ça. Vous savez, en ce qui concerne de celui qui délaisse la prière, inshallah, jazakumullah khair pour votre patience. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.